Les sept péchés capitaux de Gensu. Sixième péché, l'avarice. Les millionnaires, tome deuxième, chapitre premier. 5 ans s'étaient écoulés depuis les événements que nous avons racontés. La scène suivante se passait dans la soirée du 12 mai 1800 et quelques, anniversaire du sinistre arrivé le 12 mai 1800 et quelques sur le chemin de fer de Versailles. Il était environ 9h30 du soir. Une jeune femme de 25 à 26 ans, très brune, d'une taille remplie d'élégance, d'une figure aussi agréable que distinguée et d'une physionomie à la fois spirituelle et décidée, achevait une éblouissante toilette de bal. Deux de ses femmes l'assistaient. L'une venait d'agrafer au cou de cette séduisante personne une étincelante rivière de diamants gros comme des noisettes, tandis que l'autre femme de chambre posait sur les beaux cheveux noirs de sa maîtresse un magnifique diadème dont les diamants égalaient en grosseur ceux du collier. Ajoutons enfin que le corsage en pointe de la robe de peau de soie vert tendre, garnie de dentelles magnifiques et de nœuds de satin rose que portait la jeune femme, étincelait de merveilleuses pierreries. Le choix de ces diamants n'avait sans doute prévalu qu'après réflexion, car sur un meuble on voyait plusieurs écrins renfermant des parures complètes et non moins splendides. Deux d'entre elles, l'une en rubis énorme, l'autre en perles fines, d'un orient et d'une grosseur extraordinaire, eussent fait l'admiration d'un joaillier. L'une des deux femmes de chambre, beaucoup plus âgée que sa compagne, semblait, grâce à ses longs services, jouir d'une sorte de familiarité auprès de sa maîtresse, qui, ainsi qu'elle, était russe. La seconde femme, jeune française n'entendant pas le russe, assista donc sans le comprendre à l'entretien suivant, qui eut lieu entre Madame la comtesse Zomaloff et sa camériste de confiance, Mademoiselle Katinka. « Madame trouve-t-elle son diadème bien placé ainsi ?»« Oui, assez bien, » répondit la comtesse. Et jetant un dernier regard sur la glace, elle ajouta en se levant « Où est mon bouquet ?»« Le voici, madame. » Mais Madame Zomaloff, se reculant, s'écria « Ah, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cet affreux bouquet jauni, ridé, fané ?» « C'est monsieur le duc qui l'a envoyé tantôt pour madame la comtesse. »« Je reconnais là son bon goût, » dit madame Zomaloff en haussant les épaules, et elle ajouta d'un air moqueur. « C'est, je le parierais, un bouquet de hasard. Quelque amant, qui rompant hier matin avec sa maîtresse, n'aura pas envoyé chercher le soir le bouquet commandé. Il n'y a que monsieur de Riencourt au monde pour découvrir de pareils bons marchés. »« Ah, madame !» Croyez-vous que monsieur le duc lésine à ce point? Il est si riche. Raison de plus. Quelqu'un frappant à la porte d'une pièce qui précédait le salon de toilette, la femme de chambre française disparut un moment et revint dire « Monsieur le duc de Riencourt est arrivé. Il est aux ordres de madame la comtesse. »« Qu'il m'attende, » répondit madame Zomaloff. « La princesse est sans doute au salon ?»« Oui, madame la comtesse. »« C'est bien. » « Tiens, Katinka, agrafe ce bracelet, » reprit la jeune femme en tendant son bras charmant à sa camériste. « Mais quelle heure est-il donc ?» Et comme Katinka allait lui répondre, Madame Zomaloff ajouta en souriant de son air moqueur, « Après tout, qu'ai-je besoin de te faire cette question? Le duc vient d'arriver. 9h30 doivent... » Le tintement d'une demi qui sonnait en ce moment à la pendule de la cheminée interrompit la comtesse. Elle reprit en riant aux éclats. « Quand je te le disais, Katinka, c'est une véritable horloge pour l'exactitude que monsieur de Riencourt. »« Madame, cela vous prouve son empressement, son amour ?»« Je lui préférerais un amour un peu plus déréglé. Ces gens à la minute qui adorent à heure fixe me paraissent avoir une montre à la place du cœur. Donne-moi un flacon. Non, pas celui-là, un autre. Oui, celui-ci. »« Maintenant, je suis presque fâché d'être complètement habillé et de ne pas avoir à faire attendre plus longtemps ce pauvre duc. » pour le récompenser de son impitoyable exactitude. « Mon Dieu, madame, comme vous êtes désobligeante pour lui, alors pourquoi l'épousez-vous ? » « Ah, pourquoi ?» répondit la comtesse d'un air distrait, en donnant un dernier coup d'œil à son miroir. « Pourquoi j'épouse monsieur de Riencourt ? Tu es plus curieuse que moi, Katinka. Est-ce qu'on sait jamais pourquoi l'on se remarie ? » La raison de ce mariage paraît pourtant fort simple à tout le monde. Monsieur le duc, sans avoir certainement, comme madame la comtesse, des mines d'or en Crimée, des mines d'argent dans les monts Ourals, des « Katinka, trêve sur mes richesses ». Enfin, madame, monsieur le duc, sans avoir comme vous des biens immenses, est un des plus riches et des plus grands seigneurs de France. Il est jeune, sa figure est agréable. Il n'a pas, comme tant d'autres jeunes gens, mené une conduite dissipée, débauchée. Il est très religieux, il est très... Il est, si tu le veux, digne de porter une couronne de fleurs d'oranger le jour de notre mariage, droit que moi je n'aurais pas. Mais fais-moi grâce du reste de ses vertus. Il me semble entendre ma tante me vanter son favori. En effet, madame la princesse fait grand cas de monsieur le duc, et elle n'est pas la seule qui... Donne-moi mon manteau. Les soirées sont encore fraîches. Madame m'a-t-elle pensé aux commandes qu'elle a à faire pour le vin de ce mois? Quelles commandes? Madame oublie donc que son mariage a lieu aujourd'hui en 8? Comment, aujourd'hui en 8? Déjà? Certainement, madame. Vous l'avez fixé au 20 mai, et nous sommes le 12. Allons, si j'ai dit le 20, il faudra bien que ce soit le 20. Donne-moi mes éventails. Et tout en choisissant un délicieux éventail, véritable bateau, parmi une collection de petits chefs-d'œuvre en ce genre, la comtesse ajouta « Comme c'est singulier pourtant. On a la plus grande existence, on est jeune, on est libre, on aborde la contrainte, et l'on n'a rien de plus pressé que de se donner de nouveau un maître. Un maître, monsieur le duc, lui, si doux, si bénin, vous ferez de lui tout ce que vous voudrez, madame. Je n'en ferai jamais un homme charmant, et pourtant je l'épouse. Ah, ma tante, vous me conseillez peut-être une grande sottise. » dit la comtesse, moitié souriante, moitié pensive, en regardant machinalement un colin-maillard de petits amours par bateau que représentait son éventail. « Eh mon Dieu » ajouta-t-elle, « tel a été mon mariage, un véritable colin-maillard, un choix à l'aveuglette parmi des hommes du monde qui ne valent guère mieux les uns que les autres, tous à peu près égaux en richesse et en essence, mais tous si médiocres, si effacés, si nuls, qu'il n'y a guère à s'inquiéter du choix. » Voilà le motif de ma préférence pour M. de Riencourt, Katinka. Et puis enfin, le veuvage a ses inconvénients, je le sais. Mais le mariage n'en a-t-il pas aussi de bien grand? Bon, il vaut encore mieux se marier. L'on a plus du moins l'ennui de se dire « Que ferai-je ?» Et ce disant, la comtesse Domalov se rendit au salon où elle trouva sa tante et le duc de Riencourt. La princesse Vilécha, tante de Madame Domalov, était une grande femme, du meilleur air, portant ses cheveux blancs légèrement poudrés. Le duc de Riencourt, petit homme de 30 ans environ, au cou un peu tort, à la mine béate, onctueuse, à l'œil oblique, aux cheveux longs et plats, séparés par une raie située presque au milieu du front, avait l'air singulièrement sournois et cafard. Tous ses mouvements calculés, réglés, compassés, annonçaient un grand empire sur soi-même. Lorsque Madame Zomalov entra, il alla vers elle, la salua profondément et porta près de ses lèvres, avec une respectueuse courtoisie, la jolie main que la comtesse lui tendait familièrement. Puis il se redressa, resta un moment ébloui et s'écria « Ah, madame la comtesse, je ne vous avais pas encore vue avec tous vos diamants. Je ne crois pas qu'il y ait au monde des diamants pareils. Ah, qu'ils sont beaux! Mon Dieu, qu'ils sont beaux !»« Vraiment, mon cher duc, » dit madame Zomalov en feignant de minauder. « Ah, vous me rendez confuse. Pour le joaillier qui a vendu ses pierres, il est impossible d'être plus galant que vous l'êtes, pour lui. Et puisque ces colliers, ces diadèmes vous causent une si tendre émotion, vous inspirent de si ingénieuses flatteries, je puis vous dire en confidence le nom charmant de ce trop séduisant lapidaire. Il se nomme Ezekiel Rabototengraf, de Francfort. » Pendant que M. de Riencourt, d'abord un peu étourdi de la railleuse réponse de Madame Zomalov, cherchait une réponse, la tante de la jeune femme lui adressa un regard de reproche et dit au duc en souriant d'un air forcé « Voyez un peu, mon cher duc, comment cette méchante Fedora se plaît à vous tourmenter. C'est ainsi que l'on cache toujours l'affection que l'on a pour les gens. » « Je vous avouerai humblement, ma chère princesse, » reprit M. de Riencourt, afin de réparer sa maladresse, « je vous avouerai que, ébloui de ces magnifiques pierreries, je n'ai pu d'abord rendre hommage à la grâce de celle qui les portait. Mais ne peut-on être ébloui par le soleil en regardant une fleur charmante ?»« Je trouve si galante, si juste, cette comparaison de coups de soleil et de fleurs, » répondit la malicieuse jeune femme, « que je serais tenté de croire que ce même coup de soleil dont vous parlez aura outrageusement flétri ces pauvres fleurs. » ajouta-t-elle en riant comme une folle et montrant à M. de Riencourt le bouquet fané qu'il lui avait envoyé. le béat personnage rougit jusqu'aux oreilles et ne sut que répondre. La princesse fronça les sourcils d'un air impatient et fâché, tandis que la comtesse Domaloff, parfaitement indifférente à ses divers ressentiments, dit au duc en se dirigeant vers la porte. « Donnez votre bras à ma tante, mon cher monsieur de Riencourt. J'ai promis à l'ambassadrice de Sardaigne d'arriver chez elle de très bonne heure. Elle doit me présenter à l'une de ses parentes, et vous savez qu'il nous faut d'abord aller visiter dans tous ses détails ce merveilleux hôtel, ce palais enchanté où l'on nous attend. Visite fort bizarre à une pareille heure de la soirée, il est vrai, mais j'avoue mon faible, ma passion pour le bizarre. C'est chose si rare et si charmante que l'originalité. » Et la jeune femme, précédant sa tante et M. de Riencourt, descendit légèrement l'escalier d'un des plus confortables hôtels garnis de la rue de Rivoli, car la belle étrangère n'avait pas encore de maison à Paris et cherchait un hôtel à acquérir. Le duc conduisait ce soir-là les deux femmes dans sa voiture. Familiarité concevable, les bans de son mariage avec Mme Domaloff étant depuis longtemps publiés. Après quelques instants d'attente sous le péristyle de l'hôtel, la comtesse et sa tante virent s'avancer péniblement sous la voûte un énorme landau jaune traîné par deux maigres chevaux fouillés à tour de bras par un cocher à trogne rouge et à petit carrick bleu. Le valet de pied de M. de Riencourt ouvrit la portière de cette lourde machine. La jeune veuve, regardant le duc avec surprise, lui dit « Mais ce n'est pas là votre voiture ? Je vous demande pardon, madame. » Et qu'est donc devenue cette berline bleue attelée d'assez jolis chevaux gris que vous aviez mis à nos ordres hier matin? Je puis vous avouer ce petit détail de ménage, au point où nous en sommes, ma chère comtesse, répondit le duc avec un touchant abandon. Afin de ne pas fatiguer mes chevaux gris, qui m'ont coûté, ma foi, fort cher, je loue une voiture de remise pour la soirée. Il y a encore économie à ce marché, car ainsi on ne risque pas la nuit un attelage de prix. Et vous avez parfaitement raison, mon cher duc, se hâta de dire la princesse, qui, à la physionomie de sa nièce, redoutait un nouveau sarcasme. Aussi se hâta-t-elle de monter dans le fabuleux landau en s'appuyant sur le bras de M. de Riencourt. Celui-ci offrait sa main à la jeune veuve pour l'aider à monter à son tour, lorsque, s'arrêtant un instant, le bout de son petit soulier de satin blanc posé sur la dernière feuille du marchepied, la moqueuse dit à la princesse le plus sérieusement du monde et d'un air d'appréhension, « Ma tante, je vous en supplie, regardez donc bien partout dans cette voiture. »« Pourquoi donc cela, ma chère ?» demanda naïvement la princesse. « À quoi bon cette précaution ?»« C'est que j'ai peur qu'il ne soit resté dans un coin obscur de cette espèce de coche quelque maigre miss rousse ou quelque gros marchand de la cité, car c'est particulièrement dans ces sortes d'équipages que ces dignes insulaires se promènent tout le jour en famille. J'aurais donc une peur horrible de trouver là-dedans quelqu'un oublié par mes gardes. » Et la jeune veuve, se remettant à rire comme une folle, monta dans le landau pendant que la princesse lui disait à mi-voix d'un air peiné « En vérité, Fedora, je ne vous comprends pas. Vous êtes d'une incroyable causticité envers M. de Riencourt. À quoi pensez-vous donc ?»« À le corriger de ses maladresses, de ses impertinentes lésineries. Puis-je mieux lui témoigner mon intérêt ?» À ce moment, le duc monta et prit sa place sur le devant de la voiture. Il paraissait endurer très chrétiennement les railleries de cette jeune femme qui avait de si beaux diamants et possédait toutes sortes de mines d'or et d'argent. Seulement, de temps à autre, au regard oblique qu'il jetait sur elle à la dérobée, à une certaine contraction de ses lèvres pincées, on devinait la sournoise et patiente rancune du dévot. Son valet de pied lui ayant demandé ses ordres, M. de Riencourt lui dit « À l'hôtel Saint-Ramon. » « Pardon, monsieur le duc ?» répondit le valet de pied, « mais je ne sais pas où est l'hôtel Saint-Ramon. »« Au bout du cours La Reine, » reprit M. de Riencourt, « du côté du quartier Jean Goujon. » « Monsieur le duc veut-il parler de ce grand hôtel où l'on travaille depuis plusieurs années ?»« C'est cela même, allez !» Le valet de pied referma la portière, donna ses instructions au cocher, qui fouetta de nouveau ses maigres haridelles, et le landau se dirigea vers le cours La Reine, chemin du merveilleux hôtel Saint-Ramon.